Jakob Maus. Extrait des Petits Contes alsaciens écrit par Jules Girardin, lu par Armen pour audiocité.net. Les animaux domestiques sont comme les petits enfants. Ils ont besoin d'être surveillés de près, d'être pliés jour par jour, heure par heure, à une bonne et exacte discipline, sans quoi ils deviennent, je parle des animaux, capricieux et rétifs, et peuvent faire les plus grandes sottises du monde. Écoutez plutôt l'histoire lamentable d'une vache mal élevée. Il y avait au village de Dalheim un mauvais drôle nommé Jakob Maus. Le maître d'école avait été obligé de le chasser de sa classe parce qu'il ne voulait rien faire et jetait le désordre parmi les autres écoliers. L'opinion du maître d'école se résuma un beau jour en ces termes accablants. Jakob Maus serait bon tout au plus à garder les vaches. Et encore. Eh bien, il gardera les vaches, dit le père Maus en faisant la grosse voix afin d'être entendu de son vaurien qui s'était caché dans l'écurie. Il dit tout bas à sa femme qui pleurait : cela ne durera pas longtemps. C'est pour le punir et lui faire peur. Il se trouva que la mère Heberle avait une vache à garder, et personne pour la garder. Le père Maus lui offrit son Jakob. Elle eut l'imprudence de l'accepter. Il est vrai que la figure de Jakob lui déplaisait, et sa réputation encore plus. Ce fut la raison d'économie qui la décida, et croyant faire un bon marché, elle en fit un très mauvais. L'art de garder les vaches n'est pas bien compliqué. Encore faut-il que l'on pratique la maxime « Fais bien ce que tu fais ». Cette maxime, Jakob ne la connaissait pas. Ou, s'il la connaissait, il ne la pratiquait pas, ce qui revient au même. La vache, qui avait de bonnes habitudes, traversait le village sans détourner la tête et se rendait droit à sa pâture. Jakob n'avait qu'à la suivre. C'est ce qu'il fit les premiers jours. Aussi, tout alla bien. Mais bientôt, Jakob s'arrêta au coin des ruelles pour causer avec des amis. Un jour même, il grimpa après la glycine du maître d'école et fit par la fenêtre d'abominables grimaces à ses anciens camarades. La vache, ne le sentant plus derrière elle, s'arrêtait tout court et l'attendait, immobile comme une vache de bronze. Cependant, ses stations prolongées commencèrent à l'ennuyer un peu. Elle ne crut pas mal faire, pour se distraire, d'aller voir ce qui se passait dans les cours des maisons où son apparition subite faisait crier les marmots et mettait les volailles en déroute. Jakob accourait alors, rouge de colère, et augmentait le désordre en poursuivant Rougeaud autour des trous à fumier. Les idées d'ordre et de discipline commencèrent à se brouiller dans la tête de la vache. Jakob s'ennuyait tout seul au champ. Alors il descendait le long des haies jusqu'au ruisseau pour couper des branches de saule et fabriquer des sifflets et des trompes. Chaque fois qu'il revenait de ses expéditions, Rougeaud était en faute. Elle saccageait les blés verts et se gorgeait de trèfle ou de luzerne ou de sainfoin aux dépens des voisins. Jakob, les bras embarrassés de branches de saule, se contentait de crier. Mais Rougeaud faisait la sourde oreille jusqu'au moment où il la faisait rentrer dans le devoir à grands coups de gaule. La vache, cependant, ruminait ces choses en sa tête carrée, et, tout bien considérée, elle trouva qu'elle avait avantage à faire de si plantureux festins au prix de quelques coups de trique. Aussi elle en prit à son aise et ne se gêna plus. Mais parfois, pendant qu'elle était à la maraude, le garde champêtre apparaissait subitement et dressait procès-verbal. Le père Maus, qui était un homme juste, payait les amendes. Il s'aperçut bien vite que cela coûtait plus cher que les mois d'école. Chaque fois qu'il revenait de chez le juge de paix, il s'enfermait en tête-à-tête avec Jacob, qui sortait de ses entrevues les cheveux ébouriffés et l'oreille basse. Quant à la vache de la mère Heberle, elle avait la réputation d'être une effrontée, ce qui était bien humiliant pour la mère Heberle. Un jour, elle combla la mesure de ses forfaits. Monsieur Meyer, le grand brasseur de Colmar, était venu en char à banc avec toute sa famille et de nombreux amis pour prendre l'air dans son petit château de Dalheim et pour faire un bon déjeuner sur l'herbe dans son parc. Le jardinier eut l'imprudence de laisser la grille ouverte. Rougeaude, quoiqu'elle sentît Jacob sur ses talons, se planta dans la tête, juste entre les deux cornes, l'idée saugrenue de faire un petit tour dans le jardin de M. Meyer et de savoir au juste quel goût pouvaient avoir toutes ces plantes qu'elle avait bien souvent regardées du coin de l'œil à travers la grille. Jacob vit le danger et frémit depuis la plante des pieds jusqu'à la pointe des cheveux. Il cria de toutes ses forces, il frappa ferme et dru. Rougeaude fit tranquillement demi-tour à gauche. Jacob la saisit par la queue et, se renversant en arrière, tira de toutes ses forces. « Frappe, frappe, tire, tire !» disait en elle-même cette sournoise de Rougeaude. « J'ai la peau dure et les vertèbres de la queue solides !» Jacob était au désespoir. Mais aussi, pourquoi avait-il laissé prendre à Rougeaude l'habitude de désobéir et de n'en faire qu'à sa tête? Rougeaude, traînant Jacob après elle, se rua à travers les gazons, fit maintes places nettes, dévora maintes plantes précieuses, écrasa les corbeilles, éventra les massifs et apparut subitement au beau milieu du festin. Monsieur Meyer fit un bond, sa chaise de jardin se brisa. Le brasseur s'étendit sur le dos et montra à Rougeaude d'étonner les semelles de ses bottes. Madame Meyer s'égratigna cruellement en fuyant à travers un massif d'épines vinettes. Mademoiselle Meyer eut juste la force de gagner un kiosque rustique pour s'évanouir à son aise. Les petits Meyers poussèrent des cris aigus en exécutant des danses sauvages. Les invités prirent honteusement la fuite. Quant à Rougeaude, satisfaite de l'effet qu'elle avait produit, elle reprit au petit trot le chemin de la grille, traînant toujours Jacob à la remorque. Cette fois, le cas était horriblement grave, vu la nature des dégâts et la qualité des personnes que Rougeaude aurait pu tuer ou estropier. Elle fut vendue à un boucher qui l'emmena bien embricolée derrière sa voiture. Le malheureux boucher mit 6 heures à faire 3 lieues. Depuis, il a dit entre amis que ceux qui ont consommé la chair de Rougeaude peuvent se vanter d'avoir mangé au moins une fois dans leur vie de la vache enragée. Il est si content d'avoir trouvé à lui tout seul une si bonne plaisanterie qu'il en rit le premier jusqu'à en devenir cramoisi. Quelqu'un qui ne rit pas, c'est le père Mauss. Jacob a beau protester de son innocence, répéter 100 fois qu'il était à son poste, qu'il a tout fait pour prévenir la catastrophe. Personne ne veut le croire. Voilà l'inconvénient de s'être fait une mauvaise réputation. Ce fut là son premier châtiment. Il fut si épouvanté de ce que pouvait lui réserver l'avenir que pour apaiser son père, il demanda de genoux la faveur de retourner à l'école. Quand le maître d'école le vit reparaître, il allongea la lèvre inférieure et fit une moue significative. « Seras-tu sage, au moins ?» lui dit-il d'un ton sévère. « Oh, monsieur, je crois bien !» répondit Jacob avec tant d'onction que tout le monde se mit à rire, même le maître d'école.